Le seul chemin pour aller à Dieu passe par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsque cette vérité est présentée à des personnes, plusieurs la rejettent carrément. Les gens ne pensent pas qu'il puisse n'y avoir qu'une seule façon d'aller au ciel. En fait, par la mort expiatoire de Jésus-Christ, Dieu a ouvert le chemin du ciel à tous. Nous n'avons qu'à le croire. Aujourd'hui, Charles Stanley examine les objections des gens lorsque nous leur présentons le véritable Évangile. Pouvez-vous être certain que Dieu vous recevra au ciel? Sur quel fondement repose votre assurance? Découvrez le chemin vers Dieu alors que Charles Stanley nous encourage à vivre une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais combien de façons y a-t-il d'aller vers lui? Les gens posent souvent cette question. De nombreuses personnes pensent qu'il y a plus d'une façon d'approcher Dieu. En fait, l'important, c'est de savoir ce que Dieu dit sur le sujet. Dit-il qu'il y a plusieurs façons de le connaître, de le rencontrer, de passer l'éternité avec lui? Je désire répondre à cette question par ce message intitulé « Le chemin vers Dieu ». Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Dans ce chapitre, nous rencontrons Jésus la veille de sa crucifixion alors qu'il console ses disciples. Il leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Combien y a-t-il de façons de venir à Dieu? Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Il en est ainsi principalement parce que les gens abordent ce sujet sous trois angles différents. Premièrement, il répond à la question en utilisant des raisonnements humains plutôt que la révélation divine. Permettez-moi d'illustrer avec un exemple. Les anthropologues nous disent que dans toutes les sociétés et dans toutes les tranches de ces sociétés, qu'importe que la société soit primitive ou qu'elle ait atteint un certain degré de civilisation ou qu'elle soit très évolués, nous trouvons des individus qui croient en un Dieu et qui le vénèrent. Chaque culture a sa façon de vénérer son ou ses dieux. Des anthropologues raisonnent donc ainsi. Il n'y a pas une façon unique d'adorer Dieu ou d'aller vers lui. Personne ne devrait donc dire qu'il y a des vraies religions et des fausses religions, car tous adorent Dieu selon leur environnement culturel. Si une personne vit dans un environnement culturel donné, elle vénère Dieu d'une façon. Si une autre vit dans une autre culture, elle adore Dieu d'une autre manière. Vous ne devriez donc pas envoyer des missionnaires vers d'autres peuples pour leur enseigner à adorer Dieu et ainsi brouiller leur concept de l'adoration et de leur rituel d'adoration. Chacun a son propre concept de l'adoration. C'est le produit de leur environnement social et chacun devrait donc adorer Dieu comme bon lui semble. C'est cela un raisonnement humain? Un tel raisonnement semble logique et bon. Il y a cependant un énorme problème. En effet, ce raisonnement contredit entièrement ce que Dieu a dit au sujet de la façon dont il veut être approché. Nous venons de voir un exemple de raisonnement humain. Un autre exemple argumente ainsi. Ne me racontez pas ces histoires au sujet de Jésus-Christ. Ne me dites pas qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu, car il est impossible que Dieu condamne presque le monde entier. Non, Dieu n'est pas très exclusif. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Peu de temps avant d'être cloué sur l'infâme bois, peu de temps avant que ses mains soient transpercées, il a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » L'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 32. De plus, l'apôtre Pierre a dit, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Acte 2, verset 21. Jésus a lancé cette invitation, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Le salut de Dieu n'exclut pas qui que ce soit. Il est proposé à tous. Vous découvrez que Dieu n'est pas étroit d'esprit lorsque vous commencez à comprendre sa parole. Les raisonnements humains affirment qu'il est impossible qu'il y ait un seul chemin vers Dieu. Cependant, qu'est-ce que la révélation divine nous enseigne? Il est important que vous saisissiez la différence entre un raisonnement humain et la révélation divine. Nous savons tous ce qu'est un raisonnement humain. Cependant, qu'est-ce qu'est une révélation? Une révélation est une vérité que nous ne pourrions pas connaître si Dieu ne nous l'avait pas enseignée. Seul Dieu peut nous donner une révélation. La Bible est la révélation de Dieu. La Bible n'est rien de moins que la révélation divine. La raison humaine dit « Dieu n'est pas très exclusif. Il n'est pas étroit d'esprit. Il y a plusieurs façons de venir à lui. » La révélation divine dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si donc quelqu'un vous dit qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu, alors cette personne vous présente un raisonnement humain, pas un enseignement divin ou une révélation provenant de Dieu. Un raisonnement humain se présente en disant « Voici ce que je pense ». Celui qui présente une révélation dit « Dieu a dit ». Par la bouche de son Fils Jésus-Christ, Dieu a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Les gens sont confus au sujet du chemin vers Dieu, car plutôt que de s'arrêter sur la révélation divine, ils écoutent les raisonnements de tous et chacun. Deuxièmement, les gens peuvent réagir émotionnellement à la question du chemin qui mène à Dieu plutôt que d'examiner la vérité. Ne me dites pas que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, bienveillant et miséricordieux. Dieu est doux et merveilleux. Il ressemble à un grand-père. Il est assis dans le ciel et il me comprend. Il sait que j'ai des défauts et des faiblesses. Ne me dites pas que Dieu va envoyer qui que ce soit en enfer. Dieu ne ferait jamais une telle chose. Mon Dieu n'agit pas ainsi. Il est vrai que votre Dieu n'agit pas ainsi, mais votre Dieu est le fruit de votre imagination, s'il n'est pas celui qui s'est révélé et dont la Bible nous trace le portrait. Écoutez attentivement, mes amis. Soit qu'il n'y ait qu'un seul Dieu ou un seul chemin, soit nous sommes devant une confusion et une incertitude universelle. Nous ne pouvons pas savoir quoi que ce soit avec exactitude au sujet de la vie, de la mort, du sens de la vie, du but de la vie et de la vie dans l'au-delà. Nous ne pouvons pas être certains de quoi que ce soit. En fait, Dieu n'est pas exclusif ni étroit d'esprit, mais il est simplement très clair et très précis. Une réaction émotionnelle dit « Eh bien, je vous le dis, mon Dieu n'agirait jamais ainsi ». Une telle réaction émotionnelle n'est pas conforme à la vérité. Jésus a dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 3. Maintenant, mes amis, je désire vous faire remarquer que nous avons une grande responsabilité. Pendant toute notre vie, nous devons proclamer cette merveilleuse vérité au monde entier, en commençant là où nous habitons. Laissons le monde entier quelques instants et considérons les gens que nous connaissons et ceux avec qui nous travaillons. Je dis cela parce qu'il y a des chrétiens qui ne pensent jamais à parler de leur foi en Jésus-Christ, qui ne prennent jamais le temps de présenter le Seigneur Jésus à leurs amis condamnés, qui ne prennent jamais le temps de raconter à qui que ce soit comment le Seigneur Jésus a transformé leur vie. Pourquoi en est-il ainsi? Il est possible que certaines personnes croient qu'il existe peut-être un autre chemin vers Dieu. Leurs émotions l'emportent sur la vérité. Jésus nous a révélé la vérité. Il a dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est soit le mensonge, soit la vérité. S'il est la vérité, alors il y a un seul chemin pour aller vers Dieu. Est-ce que nous pouvons reprocher à Jésus d'être trop exclusif ou étroit d'esprit? Non. Écoutez attentivement, car je vais vous démontrer qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Il y a une raison pour laquelle il n'y a qu'un seul chemin, et cette raison semblera sensée à la personne la plus raisonnable. Nous ne devons pas réagir de façon émotive au fait qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu, mais nous devons réagir selon la vérité révélée. Certaines personnes, plutôt que d'accepter la révélation, réagissent émotionnellement. Tout comme des personnes dépendent des bonnes œuvres plutôt que la grâce de Dieu, de même, certaines personnes réagissent émotionnellement plutôt qu'en acceptant simplement la vérité. Souvent, nous entendons des personnes dire « Je ne crois pas la même chose que toi. Je crois que lorsque j'arriverai au ciel, Dieu considérera le mal que j'aurai fait. Ensuite, il évaluera le bien que j'aurai fait. Je compte sur le fait que j'aurai fait suffisamment de bien. Puisque j'aurai fait plus de bien que de mal, j'entrerai au ciel. » Eh bien, mes amis, ceci est un raisonnement humain et non une vérité révélée par Dieu. Ceci est une réaction émotionnelle qui n'est certainement pas conforme à la vérité. Cette pensée décrit un salut par les œuvres et non un salut par la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix à Golgotha, Dieu le Père lui avait fait porter tous les péchés de l'humanité. Lorsque Jésus, qui est pleinement Dieu, est mort, il a effacé la dette des péchés. En effaçant cette dette, il a ouvert une porte qui donne à tous l'occasion d'être sauvés, car personne d'autre n'aura besoin de payer cette dette. Jésus-Christ a fait une chose que lui seul pouvait faire et que personne ne pourra répéter ou imiter. Personne ne pouvait se substituer à Jésus-Christ pour payer la dette du péché. C'était Dieu le Fils qui est mort sur la croix, le Fils de Dieu qui était sans péché, a accepté d'effacer la dette du péché une fois pour toutes. Voici ce qu'il a fait. Si vous pensez que Dieu est trop exclusif et très étroit d'esprit et qu'il doit y avoir plusieurs chemins qui conduisent à Dieu, écoutez ceci attentivement. Lorsque Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu sans péché, est mort, il a payé la dette du péché du monde entier. En faisant cela, il a donné satisfaction à Dieu qui, à cause de sa sainteté, exigeait la mort pour tous les péchés. Depuis le sacrifice à la croix, le chemin qui mène à Dieu est ouvert gratuitement. Le salut est un don gratuit. Nous n'avons pas besoin de le mériter en faisant des œuvres. Jésus est mort pour nous l'acquérir. Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation méritée pour les péchés, de sorte que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants peuvent aller vers Dieu, marcher dans ses voies et passer l'éternité avec lui. Jésus-Christ leur a acquis ce privilège en acceptant d'être puni à leur place. Voyez-vous, si je ne comprends pas l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix, je ne peux pas comprendre pourquoi il y a un seul chemin pour aller au ciel. Nos amis vont s'objecter à la vérité en disant « Veux-tu dire que ma fréquentation de l'Église, le fait que j'ai été un bon mari et un bon père ne compte pour rien ?» En effet, cela ne contribue en rien au salut d'une personne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, Jésus est le seul à avoir payé la dette du péché, et il est le seul qui pouvait le faire. Jésus a révélé le Père par son caractère et ses œuvres. Si vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Vous voyez pourquoi la raison humaine ne peut arriver à la vérité? La révélation ne pouvait que venir de Dieu. Maintenant, répondons à la question. Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Quel est le chemin qui mène vers lui? nous ne pouvons pas nous guider avec la raison humaine, mais avec la révélation divine. Nous ne pouvons pas y aller selon nos émotions et nos préférences, mais selon la vérité. De plus, il est impossible de mériter le ciel en faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Voici ce qu'il dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Citation de Tite, chapitre 3, verset 5. La grâce de Dieu nous donne gratuitement un salut non mérité et non négocié. C'est lui qui a décidé de nous l'accorder. Maintenant, si votre orgueil vous empêche de vous incliner devant le Dieu saint et de reconnaître que son Fils a fait pour vous ce que personne d'autre n'aurait pu faire et ne pourra jamais faire, alors vous n'irez jamais au ciel. Vous devez accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Vous dites peut-être, « Je ne crois pas à cela. » Eh bien, mes amis, vous vous appuyez sur la raison humaine plutôt que sur la révélation de Dieu. Lorsque vous comparaîtrez devant Dieu, vous ne serez pas jugé selon des raisonnements humains, mais selon la révélation de Dieu que nous retrouvons dans la Bible. En faisant cela, Dieu n'est pas exclusif et étroit d'esprit. Il est Dieu. Combien plus ouvert et accueillant que Dieu pourrait être. Réfléchissez à cela. Dieu n'exige pas que nous accomplissions quoi que ce soit pour être sauvés, mais il nous offre le don de sa grâce. Il ne propose pas son salut qu'à quelques élus, mais à tous les êtres humains. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. De plus, l'apôtre Jean a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Nous ne pouvons pas reprocher à Dieu d'être exclusif ou étroit d'esprit. Nous ne sommes pas étroits d'esprit lorsque nous affirmons que Jésus-Christ a payé pour nos péchés et qu'il a répondu aux exigences du Dieu saint afin de donner au monde entier l'occasion d'être sauvé. Cela n'est pas l'œuvre d'un Dieu exclusif, c'est de l'amour. Seul un Dieu dont l'amour est infini et éternel pouvait nous proposer une telle rédemption. Cette offre n'est pas réservée uniquement aux bonnes personnes. Dieu propose son salut à tous les pécheurs, même les pires et les plus méchants. Maintenant, examinons ce que Dieu dit exactement dans Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi est-ce que Jésus n'a-t-il pas simplement dit qu'il était le chemin? Pourquoi a-t-il plutôt dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Lorsque Jésus dit qu'il est le chemin pour venir au Père, cela signifie qu'il faut passer par lui. Passer par Jésus-Christ, c'est avoir accès à Dieu au moyen d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Il est le seul à avoir payé pour les péchés du monde. Il est le seul qui pouvait se substituer à nous. Il est celui qui nous révèle Dieu. Réfléchissez à ceci. Avant de condamner Dieu pour être exclusif et étroit d'esprit, considérez le contraste énorme entre sa révélation et les religions du monde. Dans toutes les religions du monde, leurs adeptes doivent entreprendre toutes sortes de démarches pour découvrir leur Dieu. Ils doivent, par exemple, étudier afin de connaître la philosophie de cette religion avant d'être en communion avec Dieu. Une révélation est une vérité qui nous est donnée par Dieu et que nous n'aurions pas pu connaître autrement. La Bible n'enseigne pas que je dois trouver Dieu. Selon la foi chrétienne, Dieu n'est pas dans un endroit éloigné à attendre que je le trouve ou que je parvienne à lui. Dieu se révèle à nous. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé le Seigneur Jésus. Dans les religions du monde, les êtres humains doivent trouver leur Dieu, mais le Dieu des chrétiens vient vers eux. Les prophètes de toutes les autres religions sont morts et leurs corps ont été ensevelis dans une tombe où ils ont été incinérés. Les adeptes de la religion possèdent des images de leurs prophètes. Cependant, le chrétien ne peut que se rendre à un tombeau vide. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Notre prophète n'est pas mort. Il est ressuscité et il est assis à la droite de notre Père céleste. Notez une troisième différence entre les autres religions et le christianisme. Dans toutes les religions, sans exception, un homme doit travailler ou faire quelque chose pour atteindre Dieu. Il doit soit étudier une philosophie, soit accomplir des œuvres. Quoi qu'il en soit, il doit faire effort après effort. Par contre, le chrétien n'a pas à travailler pour son salut. C'est un cadeau entièrement gratuit. Mes amis, pouvons-nous penser que Dieu est exclusif, étroit d'esprit, exigeant et cruel alors qu'il accepte d'être notre substitut sur la croix par son Fils Jésus-Christ? Dans les autres religions, les adeptes doivent chercher leur Dieu, mais le nôtre vient vers nous. Nous n'avons pas besoin de mériter notre salut en accomplissant des bonnes actions et des œuvres. Nous le recevons gratuitement, car c'est un cadeau que Dieu nous fait. De plus, notre Messie, notre Christ, notre Sauveur n'est pas mort, mais il vit. Cette vérité infiniment fantastique et merveilleuse dépasse ma compréhension. Comment décrire cet amour extraordinaire démontré envers l'humanité? Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie qu'il est étroit d'esprit. Il dit simplement « Désirez-vous connaître Dieu? Venez à moi. » Désirez-vous savoir quand venir à lui? Je peux vous le dire. Désirez-vous connaître un endroit où venir à lui? Je vous l'indiquerai. Désirez-vous avoir une assurance absolue de votre salut? Je peux vous donner cela. Désirez-vous être sauvé pour toujours? Je peux faire cela. Voyez-vous, puisque je suis en relation personnelle avec Jésus-Christ, je peux connaître le moment exact où j'ai connu Dieu parce que c'est lui qui m'a ouvert les yeux et qui s'est révélé à moi. Je peux connaître le jour, l'endroit et l'heure de mon salut. C'est mon cas et je n'ai pas à me demander si je puis être assuré de mon salut. Voici maintenant la grande question. Comment est-ce que je viens à Dieu? Donnez-moi une méthode claire et spécifique. Voici donc comment on vient à Dieu. Croyez, croyez, croyez et croyez. Que veut dire croire? Croire en le Seigneur Jésus-Christ signifie que je reconnais comme étant vrai ce qu'il a enseigné à son sujet dans l'Écriture. Je crois de plus qu'il est Dieu. Je sais que sa mort sur la croix a expié tous les péchés. Si donc je le reçois comme sauveur personnel, comme le substitut qui a payé pour mes péchés, Dieu me pardonnera tous mes péchés et il fera de moi un de ses enfants. Je passerai alors l'éternité avec lui, car je lui appartiendrai. Je n'ai simplement qu'à personnellement le recevoir comme mon sauveur parce que j'ai confiance en ce qu'il a dit à son propre sujet. C'est cela le plan de salut. Le salut ne s'obtient pas par des œuvres. J'accomplis des œuvres parce que Dieu m'a premièrement sauvé. Les œuvres sont le résultat du salut et non le salut le résultat des œuvres. Lorsqu'une personne croit vraiment ce que Jésus-Christ enseignait à son sujet, deux choses se produisent. Premièrement, elle confesse ses péchés et reconnaît qu'elle est une personne pécheresse. Deuxièmement, elle remet sa vie entre les mains de Dieu afin de marcher dans ses voies le reste de sa vie. C'est cela le salut. Être sauvé, c'est placer entièrement ma confiance en Dieu le Fils et son œuvre sur la croix, me soumettre à lui, le reconnaître comme mon sauveur et le suivre. Voilà ce qu'est le salut. Le chemin qui conduit à Dieu est une relation personnelle avec Jésus-Christ et le chemin qui conduit au ciel passe par Jésus-Christ. Il a dit, « Je vais vous préparer une place et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » L'Évangile selon Jean chapitre 14, les versets 2 et 3. Pour qui est-ce que Jésus revient? Pour tous ceux qui l'auront reçu comme sauveur personnel. Vous êtes sauvés lorsque vous dites au Seigneur Jésus, « Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois en la révélation que nous avons reçue, ton témoignage dans l'Écriture. Je crois que lorsque tu es mort sur la croix, tu as entièrement payé la dette de mes péchés, et je te reçois comme mon sauveur personnel. Je te confie ma vie et je reçois ton salut comme un cadeau, te faisant entièrement confiance, sans chercher à gagner mon salut par mes efforts ou à l'acheter en travaillant. Je ne te fais pas de promesses en échange de mon salut, mais je fais entièrement confiance aux tiennes. Aussitôt que vous faites cela, Dieu le Père efface tous vos péchés en un clin d'œil. Vous n'aurez plus à subir la condamnation éternelle méritée par vos péchés, et ce, à cause de la merveilleuse grâce infinie éternelle de Dieu. Vous serez en sécurité pour toute l'éternité. Vous pouvez lui dire merci. Nous l'avons vu dans l'émission d'aujourd'hui, nous pouvons marcher sur le seul chemin qui conduit à Dieu grâce à la mort expiatoire du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Charles Stanley vient donc d'expliquer la vérité que de nombreuses personnes cherchent à fuir toute leur vie. Tôt ou tard, nous devons reconnaître que nous avons un choix à faire, rejeter ou accepter l'amour de Dieu. Nous espérons que vous comprenez maintenant quel est le seul chemin pour aller vers Dieu et que vous avez placé entièrement votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Si c'est le cas, vous passerez l'éternité en présence de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, l'invitation tient toujours. Ne tardez pas, car après la mort vient le jugement. Vous n'aurez pas l'occasion de recevoir le Seigneur Jésus dans l'au-delà. Aujourd'hui est le jour du salut. Ne ratez pas cette occasion. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.